Il porte, ou plutôt il portait, un nom de dieu, Osirak, la contraction d'Osiris, le grand dieu de la mythologie égyptienne, et d'Irak, oui, l'Irak de Saddam Hussein. J'ajoute que, très irrévérencieusement, les Israéliens l'ont aussi appelé O-Shirak, tant il semble acquis que ce réacteur nucléaire irakien doit beaucoup à notre actuel président de la République. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. Mon interlocuteur a récemment évoqué, à propos de la mystérieuse affaire du supercanon irakien, la volonté de Saddam Hussein de se doter d'un redoutable arsenal militaire. N'oublions pas qu'avant le déclenchement de la guerre du Golfe en 1990, les médias occidentaux présentaient volontiers l'armée irakienne comme la cinquième du monde. Mais il faut faire naturellement la part de la propagande et de la désinformation. En tout cas, c'est vrai, le dictateur irakien avait accumulé un stock impressionnant d'armes balistiques, chimiques et bactériologiques, et peut-être même nucléaires. La question du démantèlement de cet arsenal, déjà partiellement effectué par les inspecteurs de l'ONU, est au cœur de l'embargo qui frappe toujours l'Irak depuis 10 ans et maintient ce pays dans une misère extrême, sans d'ailleurs entamer le moins du monde le pouvoir absolu de Saddam Hussein. Osirak, donc, la France a joué un rôle décisif dans la conception et la construction de ce réacteur qui, en principe, devait doter l'Irak d'une industrie nucléaire civile, mais qui, à l'évidence, avec comme objectif réel de permettre au dictateur de Bagdad d'accéder à la possession de l'arme atomique. Vous le savez sans doute, Israël a ruiné les efforts de Saddam Hussein en détruisant Osirak avant même que le réacteur ne puisse produire le principe actif de la bombe, c'est-à-dire du plutonium. Mais l'affaire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et à la lumière des événements récents du Proche-Orient, elle prend une inquiétante actualité. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour commencer, il ne faut quand même pas oublier que nous avons donné la bombe atomique à Israël. Oui, enfin, Israël qui n'a jamais reconnu officiellement être en possession de l'arme nucléaire. Hein. C'est vrai, mais enfin, c'est un secret de polichinelle. L'État hébreu dispose d'un arsenal de plusieurs dizaines de bombes atomiques et thermonucléaires, peut-être même de bombes à neutrons. Ouais, mais pourquoi ce secret qui perdure? À cause du grand allié américain. Mais c'est-à-dire Si les Israéliens reconnaissaient être en possession de l'arme atomique, les États-Unis, officiellement hostiles à la prolifération nucléaire, seraient obligés de prendre des sanctions contre leur allié. Ouais, Par conséquent, on reste dans l'ambiguïté et puis ça satisfait tout le monde. Ouais, mais enfin, c'est une hypocrisie, ça. Naturellement. Bon, j'ajoute que la question du nucléaire en Israël est encore tabou. Tabou, qu'est-ce que vous voulez dire? Tout le monde sait que le pays possède la bombe et la grande majorité des Israéliens approuvent. Mais personne n'en parle. Songez qu'il n'y a même jamais eu de débat au Parlement sur ce sujet. Mmh. Pourtant maintenant, ça fait quoi? Des années et des années qu'Israël est une puissance nucléaire. Hein. Et puis, grâce à la France, dites-vous. Oui, souvenez-vous, nous en avons parlé à propos d'une affaire étonnante, l'affaire Plumbat. Mmh, c'était le détournement de centaines de kilos d'uranium par une équipe du Mossad. C'est ça, oui. Alors, je voudrais quand même pas me répéter, mais je vous rappelle quand même que ce sont les dirigeants de la 4e République, surtout les socialistes, qui ont initié et favorisé la coopération scientifique entre Français et Israéliens. Oui, mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale était encore proche. Et les horreurs de la Shoah, oui, ouais. C'est sans nul doute pourquoi le gouvernement français a décidé de venir en aide au gouvernement travailliste de Ben Gurion. Et le fameux et très secret centre de recherche nucléaire de Dimona a vu le jour grâce à la France, ses savants et ses entrepreneurs. Et c'est l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle qui a mis à mal cette collaboration. En partie, oui. Enfin, je vous ai raconté qu'en fait, un certain nombre de grandes entreprises ont passé outre et qu'elles ont continué à travailler avec les Israéliens, au moins jusqu'au milieu des années 60. En usant de divers stratagèmes pour camoufler leur activité illégale. C'est d'autant plus drôle qu'on retrouvera les mêmes quelques années plus tard en Irak. Ouais, en Irak, c'est-à-dire chez un ennemi d'Israël. Oui. Ouais. Mais les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors justement, venons-en à ce dossier irakien. Au départ, il y a une analyse de nos services secrets. Ce qui explique peut-être que vous soyez si parfaitement informé. Admettons. Donc au début des années 70, nos stratèges du SDEC lorgnent vers l'Irak. Et pour quelle raison? D'une part, parce que ce pays arabe était à l'époque très lié à l'URSS. Mmh. Qu'il était donc tentant de l'en éloigner? Certainement. D'autre part, l'Irak, nous le savions, finançait les mouvements terroristes. Et nous voulions y mettre fin. Puis il y avait le pétrole. Le pétrole, c'est-à-dire le désir de consolider nos approvisionnements après le choc pétrolier de 1973. Exactement. L'Irak, vous ne l'ignorez pas, dispose de ressources comparables à celles de l'Arabie Saoudite. Mmh. Mais, attendez, nous, que pouvait-on proposer aux Irakiens en contrepartie? Là, la grande question. D'abord, des armes. Le marché irakien était très prometteur. Mais nous savions surtout que les dirigeants irakiens... Ah, c'est Hussein. Oui, bien qu'il n'ait encore été que numéro 2 du régime, officiellement en tout cas, car le président en exercice était malade. Et c'est Saddam qui exerçait en réalité le pouvoir. Donc, nous savions que Saddam avait une folle ambition. Construire la première bombe atomique arabe. Il pouvait s'adresser à ses amis soviétiques. Vous avez raison, c'est ce qu'il a fait. Mais l'URSS ne lui a fourni qu'un petit réacteur nucléaire, une machine qui ne pouvait absolument pas lui permettre de réaliser son rêve. Pourquoi Moscou en se méfiait ? Incontestablement. L'URSS, pas plus que les États-Unis, n'avaient envie de contribuer à la prolifération nucléaire. Ouais, et surtout en confiant la bombe à un dictateur comment, aussi imprévisible ? Certainement. Et les Soviétiques, malgré les demandes répétées des Irakiens, n'entendaient pas livrer un réacteur de puissance supérieure. Mais si je vous suis bien là, ça ne fait pas peur à la France. Enfin, c'est parce que c'est bien la bombe qu'on va essayer de proposer à Saddam Hussein. Oh, ce n'est pas aussi simple que cela. Mais au fond, vous n'avez pas tort. C'est bien la promesse qu'on fait miroiter aux Irakiens. Ouais, mais alors qui fait cette promesse ? Les premiers contacts sont pris au niveau des services. C'est-à-dire les services secrets entre Irakiens et Français. Oui, puis naturellement, les politiques prennent le relais. Quand exactement ? En 1974. Alors, en 1974... Valéry Giscard d'Estaing est donc président de la République. Et Jacques Chirac est son premier ministre. C'est d'ailleurs amusant, non ? Et qu'est-ce qui est amusant ? Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque l'affaire commencera à devenir embarrassante, ces deux éminents hommes politiques se rejetteront l'un sur l'autre l'initiative du contrat qui va être signé avec l'Irak. Ouais, c'est pas moi, c'est l'autre. Oui. Bon, il faut dire qu'on en parlera beaucoup de cette affaire aux Irak au moment de la campagne présidentielle de 1981. Et que naturellement, aucun de ces deux candidats ne voudra s'aliéner les votes de la communauté juive. Ouais, ça se comprend. Enfin, de toute façon, c'est Mitterrand qui gagnera. Et on parlera de Mitterrand parce que lui aussi devra gérer à son tour cette affaire compliquée et très ennuyeuse. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. Ça, j'en étais sûr. Allons, ne vous moquez pas, même si vous commencez à trop bien connaître Métis. Ça, c'est sûr. Bon, donc, tout démarre vraiment en 1974, sans doute sur les conseils d'Alexandre de Marange. Oui, de Marange qui était alors le patron du SDAC, oui, vous rappelez. Donc, sans doute sur les conseils de notre espion numéro 1, Jacques Chirac, Premier ministre, fait un voyage à Bagdad. Et là, apparemment, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre entre Chirac et Saddam, vous voulez dire ? Oui, les deux dirigeants s'apprécient beaucoup. Et dès cette première rencontre, le sujet brûlant du nucléaire est abordé. Mmh. Mais est-ce que Saddam parle crûment de sa volonté de construire une bombe ? Enfin, la première bombe arabe, hein ? Écoutez, franchement, j'étais pas sous la table. Et puis même, quand on est dictateur, on peut avoir des pudeurs de langage. Je crois pas trop. Enfin, peu importe. Mais je suis persuadé que ce sujet très sensible n'a pas manqué d'être évoqué. Toutefois, officiellement, pour n'effaroucher personne, on parle seulement du désir des Irakiens de se doter d'un programme nucléaire civil. C'est-à-dire un programme de production d'énergie. Oui. Ouais. Ouais, enfin, n'est-ce pas un peu bizarre ? Bon, à moi de vous poser la question, qu'insinuez-vous ? Écoutez, l'Irak, m'avez-vous dit, dispose de formidables ressources pétrolières. Alors, pourquoi ce pays aurait-il besoin d'avoir en plus un programme nucléaire ? C'est vrai, vous avez raison. Et cela prouve que depuis le début, les dés étaient pipés et qu'il s'agissait de bien d'autres choses. Donc de nucléaire militaire ? Bien entendu. Et d'ailleurs, quand Saddam rend sa visite au Premier ministre Chirac l'année suivante, on l'emmène à Cadarache afin de lui présenter l'éventail de la technologie nucléaire française. Et Saddam va en quelque sorte faire son marché. Et son choix se porte sur quel modèle ? Un réacteur de type graphite-gaz. Justement le modèle qui a permis à la France de se doter de la force de frappe. Connu. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Israël et la bombe. Un secret de Polichinelle, a dit Monsieur X. De moins en moins. Voici par exemple ce qu'écrit le journaliste israélien Amnon Kapeliouk dans Le Monde diplomatique de février 1999. Les essais nucléaires effectués par les deux géants asiatiques, le Pakistan et l'Inde, en mai 1998, ont amené tous les regards à se tourner vers Israël, considéré comme une puissance nucléaire à part entière, la sixième, par ordre d'importance, bien que théoriquement non déclaré. L'ambiguïté maintenue par le gouvernement israélien concernant la bombe juive s'est pourtant peu à peu dissipée. La question n'est plus de savoir si Israël possède des armes nucléaires, mais quelle est la place de cet arsenal dans sa stratégie régionale. En Israël, les autorités utilisent toujours le conditionnel lorsqu'il s'agit de la bombe ou des armes chimiques et biologiques. Elles évoquent l'option nucléaire et répète à satiété qu'Israël ne sera pas le premier à introduire les armes nucléaires au Proche-Orient, même si elles ajoutent que l'État juif ne sera pas non plus le deuxième à le faire. Et on laisse à tout le monde le soin de deviner la signification de ces paroles énigmatiques. Mais revenons à l'Irak. et aux révélations de M. X. Saddam visite donc Cadarache et son choix se porte sur un réacteur de type graphite-gaz, celui-là même qui a permis à la France de construire sa première bombe atomique. Je ne connais pas grand-chose à la technique nucléaire, mais je sais que cette filière graphite-gaz a l'immense intérêt, en tout cas du point de vue militaire, de produire du plutonium. Et donc c'était clair, en vendant un tel réacteur, on savait exactement ce qu'on faisait. Oui. Mais en retour, la France avait la certitude de disposer de quantités considérables de pétrole pour les années à venir. Mmh. Or, ne l'oubliez pas, nous sortions à peine du premier choc pétrolier. Oui, d'accord, mais enfin, vendre la bombe quand même. Ah, c'est scrupuleux honneur, mon cher Pénaud. Mais dans les relations internationales, chaque pays ne voit que ses intérêts. Et tenez, si les États-Unis et l'URSS ont été les apôtres de la non-prolifération, c'était d'abord pour préserver leur suprématie nucléaire. Ah oui, bien sûr. Bon, pour s'en persuader, il suffit de se souvenir de la fureur des Américains lorsque nous avons construit notre propre force de frappe. Et les choses trappes qu'on nous a tendues. Enfin, ça, c'est une autre histoire et nous en parlons un jour, si vous voulez. Ouais, je prends note. Hein. Donc, ce type de réacteur-là que nous vendons à l'Irak... Que nous allons vendre. Pourquoi, ça ne s'est pas fait? Eh non. Figurez-vous qu'il y a eu quelques difficultés de dernière minute. Difficultés de quelle nature, alors? Au moment de signer le contrat, quelques temps après la visite de Saddam, on s'est aperçu du côté français que ce modèle de réacteur n'était plus fabriqué par le constructeur Framatome. Ah, c'est une plaisanterie. Non, non. Alors quoi? Eh bien, quelqu'un a dû tirer le signal d'alarme, ça me semble clair. À moins que de l'autre côté de l'Atlantique, averti par quelques taupes, on se soit inquiété. Enfin, c'est une simple supposition, bien sûr. Enfin, vous n'avez pas de preuve. Aucune, non. Mais dans cette reculade, là, est-ce qu'il y a un fond de vérité, au moins technique? Oui. Les Irakiens ne sont pas des naïfs. Il fallait quand même justifier cette reculade. Alors on leur a dit qu'EDF venait justement de renoncer à équiper ses centrales de ce type de réacteur. Par conséquent, le constructeur avait cessé d'en fabriquer. Ouais, c'est un peu cousu de Finlande. Hein. Je le pense aussi. Et les Irakiens ont gobé cette histoire? Ça, je ne sais pas, mais enfin, ils ont aussitôt demandé qu'on leur fournisse un autre réacteur. Un autre réacteur, c'est d'un autre modèle, c'est ouais, ça? Ouais. Et d'un modèle semblable à celui commandé par EDF? Non. Est-ce que je comprends pas pourquoi, là? Parce que ce modèle de réacteur à eau sous pression présentait un grave inconvénient. Pour les Irakiens, j'entends. C'est-à-dire? Le cœur du réacteur de ce modèle est difficile d'accès. Moi, ça me semble plus prudent. Peut-être, mais ce confinement dans une cuve d'acier interdit un certain nombre de manipulations. Enfin, de celles qui intéressaient les Irakiens. Expliquez-moi, là, précisément. Écoutez, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que pour produire du plutonium destiné à construire une bombe atomique, il faut pouvoir introduire dans le réacteur de l'uranium naturel. Ouais, de l'uranium qui va donc se transformer en plutonium. Je vois que vous en savez autant que moi. Enfin, en tout cas, dans le nouveau modèle choisi par EDF, cette manipulation, si je comprends bien, est impossible. Voilà. Donc, il faut trouver une autre solution pour satisfaire Saddam Hussein. Et on trouve. Ah, quoi alors? Un réacteur de recherche nommé Osiris. Dans cet engin, le cœur baigne dans une piscine. Il est donc accessible et permet donc l'introduction d'uranium naturel. Ouais, et sa transformation en plutonium. Ouais. Ouais. Alors, c'est Osiris qui va être vendu à l'Irak. C'est Osiris qui va devenir Osirak. Encore une transmutation. Transmutation très avantageuse. Osirak va rapporter un beau milliard de francs à la France. Enfin, là encore, à la faveur de ce tour de passe-passe, on se rend compte que les autorités françaises, sans renoncer à équiper les Irakiens, ont tout de même réalisé que l'affaire était dangereuse. Vous précisez ça. Certes, Osirak peut fabriquer du plutonium, mais en très petite quantité. Oui, parce que c'est un réacteur moins puissant, c'est ça? 20 fois moins puissant que celui qui a d'abord été proposé à Saddam Hussein. Ouais, mais est-ce que cette production de plutonium permettra quand même à l'Irak de construire sa bombe? Là encore, l'affaire est très subtile. Pour aboutir à la fabrication d'une bombe, il faut une certaine quantité de plutonium ou d'uranium de 235 appelé masse critique. Et dans le contrat signé avec l'Irak, la France s'engage à livrer 6 charges d'uranium enrichi. Suffisamment pour la bombe? Oui. Mais alors que le contrat est signé en 1976, l'Irak jusqu'en 1981 ne recevra qu'une charge. Donc pas assez pour fabriquer une bombe. C'est exact. Ouais. Ça prouve quand au lieu, on hésite. Ouais, ça me paraît évident. Et là encore, les pressions de toutes sortes n'ont pas dû manquer. Les Irakiens ont été floués. Alors. Pas tant que ça. Expliquez-moi alors. Dans le contrat de 1976, il était aussi prévu la livraison d'un réacteur jumeau, ISIS. Or, on le verra plus tard, ce réacteur finira par diverger, c'est-à-dire entrer en fonctionnement. Malgré tous les malheurs qui vont s'abattre sur les installations nucléaires irakiennes. Et à quelle date cette entrée en fonctionnement? En 1987, mais on va y revenir. En attendant, attardons-nous sur les malheurs d'Irak. Vous imaginez bien que ce contrat signé entre la France et l'Irak inquiète beaucoup de monde. Ouais, et d'abord les Israéliens, non? Parfaitement. Si les Irakiens possèdent la bombe, c'est une menace mortelle pour eux. Ils ont suffisamment d'amis en France pour être parfaitement informés des clauses les plus secrètes de cet accord. Et par conséquent, ils suivent l'affaire de très près. Oui, oui, oui, ils sont bien placés pour savoir que cette histoire de nucléaire civil est une farce. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'ils ont prétendu eux-mêmes. Ah oui, d'accord. Oui. La France les a aidés à acquérir la bombe. En principe, à Dimona, il ne s'agissait que de doter Israël d'une industrie nucléaire civile. Oui, en réalité, c'était la bombe atomique qu'on y concevait. Mais donc, ils ne sont pas dupes. Mmh. Et ils sont prêts à intervenir dès que la menace se précisera. Je peux même vous dire que le gouvernement israélien dirigé par Begin va même constituer sur cette seule question un cabinet anti-bombe islamique. Anti-bombe islamique. Ouais. C'est une instance secrète destinée à contrer la nucléarisation de l'Irak. Oui, oui, c'est ça. Ça, hein. Et par la force. Éventuellement. Les Israéliens, dès qu'ils estiment que leurs intérêts sont en jeu, n'hésitent jamais. On en voit encore la preuve aujourd'hui. Ouais. Hein. Bon, je vais ajouter à la décharge d'Israël que Saddam Hussein a sciemment provoqué l'État hébreu. De quelle façon ? Personnellement, je trouve cela assez puéril, mais le dictateur irakien a rebaptisé les deux réacteurs. Ouais, c'est-à-dire Osirak et son jumeau, là. Oui, c'est ça, oui. Et il les a nommés Tammuz 1 et Tammuz 2. Je vois pas où est la provocation, moi. Tammuz, dans le calendrier juif, c'est le nom du mois qui a vu autrefois l'armée de Nabucodonosor s'emparer de Jérusalem et détruire le premier temple. Ouais, donc un nom symbolique. Oui, puis parfaitement clair dans cette région du monde où le verbe est roi. Donc clair pour les Israéliens que ces deux réacteurs sont vraiment destinés à fabriquer la bombe qui frappera un jour leur pays. Ouais. Alors comment vont-ils passer à l'action ? Oh, comme d'habitude, c'est le Mossad qui va d'abord être chargé d'opérer. Et ici, chez nous. Bon, rendez-vous avec X. La politique israélienne vis-à-vis de l'éventuelle menace nucléaire des pays arabes a été exposée crûment en 1981 par Ariel Sharon, qui était alors ministre de la Défense. Je le cite, et cela se passe de commentaires. Au-delà du premier cercle des pays du champ de bataille, limitrophes d'Israël, l'intérêt d'Israël doit, pour sa sécurité, s'étendre à deux autres cercles géographiques. Les pays arabes sans frontières communes, mais qui, avec un potentiel militaire en développement, constituent une menace supplémentaire par leur capacité à envoyer des renforts sur le théâtre des opérations ou à agir contre les voies aériennes ou maritimes d'Israël. Et aussi tous les pays qui, par leur position et leurs orientations stratégiques, peuvent porter atteinte à la sécurité nationale d'Israël. En d'autres termes, il faut étendre le champ d'intérêt stratégique et la zone de sécurité d'Israël au-delà du Proche-Orient et de la mer Rouge, et y comprendre, dans les années 80, des pays comme la Turquie, l'Iran, le Pakistan, le Golfe Persique et l'Afrique centrale comme l'Afrique du Nord. Nous devons être capables d'assurer notre suprématie qualitative et technologique sur toute coalition hostile, et nous ne pouvons éviter la guerre que par le maintien d'une attitude dissuasive contre tous ceux qui menacent l'existence de notre pays. Le troisième fondement de notre politique de sécurité pour les années 80 est notre décision d'empêcher nos ennemis, actuels ou potentiels, d'accéder à la capacité nucléaire. Pour nous, il ne s'agit pas d'équilibre de la terreur, mais de la permanence de notre propre existence. Cette menace doit être combattue à la racine. Le Mossad va donc agir préventivement. Enfin, je dois d'abord vous dire que les Israéliens ont toujours été parfaitement informés de l'état d'avancement des travaux d'Osirak. Ouais, informés, il y avait donc des fuites. Bien entendu. Et tout à l'heure, je vous dirai où elles se situent exactement. J'attends. En Irak, au sud de Bagdad, des entreprises françaises, dont Bouygues, assurent le gros œuvre. Mais c'est en France qu'on procède aux travaux les plus délicats. C'est-à-dire l'assemblage et la construction des dispositifs techniques. Oui, c'est une filiale du commissariat à l'énergie atomique et une entreprise de Marseille, la CNIM, qui sont chargées de cet ouvrage. Et c'est cette dernière qui intéresse particulièrement le Mossad. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est dans cette entreprise qu'on fabrique le cœur du réacteur, ou plutôt, pour être précis, le cœur des deux réacteurs jumeaux. Et au printemps 79, ce précieux matériel est prêt à partir pour l'Irak. C'est alors qu'arrivent sur la Côte d'Azur d'étranges touristes. Oui, je vois ce que vous voulez dire, des agents israéliens. Bien sûr. Ils sont jeunes, discrets, n'attirent donc pas l'attention. Une nuit, ces sept touristes se glissent jusqu'au hangar de la CNIM, à la Seine-sur-Mer. Ils attendent tranquillement que le gardien de nuit ait terminé sa ronde et ils entrent dans le bâtiment où les deux cœurs sont stockés dans des caisses avant d'être embarqués. Et ils entrent comment ? Ils ont la clé ? Semble-t-il. Curieux, non ? Oui. Pardonnez-moi, mais ce qui me semble encore plus curieux, moi, c'est que ce hangar où se trouvaient des matériels aussi précieux soit si peu surveillé. Ah, je partage votre étonnement, ça vous va ? Ça signifie que vous avez une explication. Alors. Un petit peu de patience. Donc, les pseudo-touristes sont à l'intérieur. Ils fixent des charges explosives à retardement sur les caisses et s'en retournent paisiblement par petits groupes à leur hôtel respectif. Un peu plus tard, dans la nuit, une formidable explosion secoue l'entrepôt. et le tour est joué. Et les deux cœurs des réacteurs sont détruits? En grande partie, oui. Et à Bagdad, vous imaginez facilement la fureur de Saddam Hussein. Et est-ce qu'il a compris d'où venait le coup? Oh, sans aucun doute, même s'il ne connaît pas toute la vérité. Enfin, il tempête tant et si bien que la France, au plus haut niveau, s'engage à réparer au plus vite les dégâts. Ouais. À cette époque, Jacques Chirac n'est plus Premier ministre. Hein? Non, c'est Raymond Barre qui lui a succédé. Ouais. Mais l'affaire a été aussi suivie à l'Élysée. Et justement, si on entend donner satisfaction à Bagdad pour la réparation des cœurs, pour le reste, on continue à avancer à reculons, exactement comme si on avait compris que la France s'était décidément engagée dans une affaire qui risquait de devenir de plus en plus ennuyeuse. Ouais. Il convenait donc dorénavant de prendre son temps. Ouais. Et comment ça se traduit, cette nouvelle reculade là? Bon, on propose par exemple à Saddam de lui fournir un autre combustible que l'uranium enrichi. C'est quoi ça? Du caramel. Du caramel, c'est... Ouais, oui, c'est comme ça que les spécialistes du nucléaire l'appellent. C'est un combustible qui contient beaucoup moins d'uranium, mais qui suffit à faire fonctionner un réacteur, comme aux Irakiens. Mais les Irakiens ne se sont pas laissés faire et ils ont menacé de rompre tous les contrats avec la France. Et parmi tous ces contrats, il y avait le fameux marché d'armement. Et déjà, Saddam se prépare à entrer en guerre contre l'Iran. Ouais, alors on cède. Bah, bien forcé. Ouais. Et les Israéliens, ils continuent à suivre, si oui, je puis dire. Oui, et quelques mois après l'attentat de la Seine-sur-Mer, ils récidivent. Comment alors? La mise en œuvre d'un tel programme nucléaire implique une coopération scientifique entre les spécialistes irakiens et français et des allées et venues entre les deux pays. Et parmi les savants arabes, il y a en particulier un physicien d'origine égyptienne, le docteur Yahya El-Meshad. En juin 1980, il se trouve en France. Il doit superviser les envois de combustible nucléaire vers l'Irak. Il est surveillé, protégé, non? Pas plus que ça, non. Encore une fois, c'est étonnant. Certes. Quoi qu'il en soit, un soir, le physicien reçoit une prostituée dans sa chambre de l'hôtel Méridien à Paris. Le lendemain matin, on le retrouve mort, il a été assassiné. Par cette prostituée? Ça, on ne le saura jamais. Avant que cette femme soit interrogée par la police, elle est renversée par une voiture et trouve elle aussi la mort. Ouais, donc on voulait l'empêcher de parler. Oui, bon. Dans cette affaire, elle n'a sans doute été que la complice du ou des assassins. Et selon vous, il faut toujours regarder dans la même direction, hein, c'est le Mossad. Ça me paraît évident. Il y a encore d'autres incidents graves, des menaces et même un autre assassinat. Enfin, il n'empêche que malgré tout, Sirak et son petit frère commencent à pousser au sud de Bagdad. Et en Israël, on s'affole. Ici se passe un événement curieux, à l'automne 80, je crois. Alors, racontez-moi ça. La guerre Irak-Iran vient de commencer, lorsque deux bombardiers Phantoms non immatriculés s'attaquent aux Irak. Ils provoquent d'importants dégâts sur... Oui, mais des dégâts réparables. Et ces avions... Bon, on a tout lieu de penser qu'ils étaient iraniens. Enfin, c'est ce que prétendront les Américains au bout de leurs observations radar. En fait, il est beaucoup plus probable que ces deux bombardiers non immatriculés venaient d'Israël. Et la guerre Iran-Irak a servi de couverture. Naturellement. Mais encore une fois, les travaux se poursuivent sur le site de Zirak où travaillent des centaines de spécialistes français. Et en Israël, on est maintenant prêt à frapper un grand coup. Parce qu'il y a désormais urgence. Urgence, pourquoi? Les Israéliens, toujours très bien informés, savent que le réacteur aux Irak va diverger au milieu de l'année 81 ou au plus tard, à la fin de l'été. Et ce cabinet anti-bombe atomique dont je vous ai parlé décide d'intervenir avant. C'est-à-dire avant la mise en fonctionnement, oui. Ça. Oui, parce que si les Israéliens interviennent alors que la réaction de fission a commencé, ils risquent de provoquer un accident nucléaire d'une extrême gravité. Ouais. Et c'est à nouveau un bombardement qui est envisagé? C'est la solution qui est retenue, une date est même fixée, le 10 mai 1981. Ça me rappelle quelque chose, ça. Mais en Israël, on s'aperçoit que c'est aussi le jour du deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Et on décide de sursoir un peu. Pas très longtemps, mais suffisamment pour ne pas envenimer d'emblée les rapports avec le nouveau président français. Un président dont on ne sait encore quelle sera sa politique vis-à-vis de l'Irak. Ouais, ça se comprend. Et alors, ce bombardement qui va avoir lieu, il se passe quand alors? Au début juin. Nom de code, Babylone. On adore les symboles dans les services secrets. Et ce raid aérien qui met en œuvre plus d'une dizaine d'avions israéliens est un parfait succès militaire. Aux Irak, il est détruit. Il y avait des techniciens français qui y travaillaient, non? Oui, un seul sera tué. Ouais. Sur les centaines qui s'y trouvaient? Oui, figurez-vous que ce jour-là, un dimanche, ils avaient tous éprouvé le besoin d'aller à la messe. Une étonnante unanimité. Et vous en tirez la même conclusion que moi, ils avaient été prévenus. Certains, en tout cas. Et on avait fait en sorte de persuader les autres de s'éloigner. Ouais. Alors, il y avait donc une connivence avec les Israéliens? Absolument. Et dans cette affaire, comme dans l'attentat de la Seine-sur-Mer, on a joué double jeu. Ben c'est-à-dire que d'une part, on aidait les Irakiens à construire leurs bombes, et de l'autre côté... On aidait les Israéliens à détruire leurs installations nucléaires. C'est ce que je pense. Une question se pose alors, est-ce que ce double jeu a été le fait du gouvernement français, ou bien s'agit-il d'initiatives isolées? Je ne vais quand même pas vous faire une réponse de Normand, mais je crois... crois qu'il y a les deux. Expliquez-moi ça. Bah, d'une part, il y avait dans les services des gens qui étaient hostiles au fait que la France donne la bombe à l'Irak. Des amis d'Israël. Oui, pas des ennemis en tout cas. Et d'autre part, il est certain qu'en France, le pouvoir était embarrassé et qu'il n'entendait pas respecter l'accord conclu en 1975. Ouais, lorsque Jacques Chirac était Premier ministre. Oui. Alors il était tentant de fermer les yeux sur les initiatives de quelques agents du SDEC bien décidés à tout faire pour saboter la bombe irakienne. Mmh. Et quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 80, est-ce que la politique change dans ce domaine? Mitterrand est proche d'Israël, il ne faut quand même pas l'oublier. Oui. Par conséquent, il tergiverse. Et il préfère conclure de fructueux contrats d'armement avec l'Irak, en guerre alors avec l'Iran, plutôt que de poursuivre une étroite coopération nucléaire. Et pourtant, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en 1987, le réacteur jumeau des Irak diverge, c'est-à-dire entre en fonctionnement. Et grâce à la France? En 1987, notez-le bien, nous sommes en période de cohabitation. Et Jacques Chirac, grand ami de l'Irak, est revenu au pouvoir. Alors que s'est-il passé? La première explication, c'est que ce réacteur jumeau n'a pas été endommagé par le bombardement israélien et que les Irakiens ont enfin réussi à le faire fonctionner après avoir récupéré le combustible du premier réacteur détruit en 80. Ouais. Donc première hypothèse. Deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, bon, c'est que la France ait livré clandestinement de l'uranium enrichi à l'Irak. Écoutez, franchement, je ne sais pas. Et puis, pour respecter tout à fait la vérité, je veux dire que Saddam, sans doute là des reculades françaises, a fait appel à d'autres pays. Lesquels? L'Italie a apporté une importante aide technologique à l'Irak, et le Brésil en particulier, a procédé à des livraisons d'uranium. En conséquence, si les Irakiens, à la veille de la guerre du Golfe, ont été en possession de l'arme nucléaire ou à au moins à deux doigts de la posséder, ils ne le doivent pas seulement à notre pays, ce qui n'est pas plus rassurant pour autant. Pierre Péan, dans un livre paru chez Fayard, Les deux bombes, a raconté par le menu l'histoire nucléaire israélienne et irakienne, et certaines de ses conclusions rejoignent celle de M. X. Enfin, question essentielle, jusqu'où est allée la responsabilité française dans cette affaire? Et la première cohabitation a-t-elle donné lieu à une nouvelle coopération nucléaire entre la France et l'Irak? En août 87, Le Canard Enchaîné publie un document édifiant, la copie d'un télégramme envoyé par Jacques Chirac à Saddam Hussein, le Premier ministre, évoque la conclusion de la négociation que vous savez, chapitre essentiel des relations franco-irakiennes. Et il évoque la coopération engagée 12 ans plus tôt, c'est-à-dire 1975, l'année où Saddam visite le centre nucléaire de Kadarash, l'année où on met sur pied un accord franco-irakien sur la construction d'Ozirak. La France est-elle alors prête à reconstruire Ozirak? Très vite, Matignon dément. La négociation que vous savez serait en fait une négociation sur la dette irakienne. Une explication qui ne convainc guère. Mais 3 ans plus tard, ce sera la crise du Golfe et la France se rangera du côté des adversaires de l'Irak. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous sur Internet, www.franceinter.com. Vous pouvez aussi, toujours sur Internet, réécouter cette émission.